Alors que tu ne périsses. Hallelujah. Amen. Yeah, it was talking about what the Sodom and Gomorrah. On parlait de Sodome et Gomorrhe. And the family of Lot. Et la famille de Lot. Lot and the wife and their children. Lot et sa femme et leurs enfants. Hallelujah. Amen. And so God, the angel told them to escape. Et les anges leur ont demandé de fuir. Because it's going to burn the city. Parce qu'ils allaient brûler la cité. Hallelujah. Amen. And they left everything. Et ils ont tout laissé. God told them to leave everything. Dieu leur a demandé de tout laisser. And when they are going, et quand ils sont en train de partir, they shouldn't look back. Ne doivent pas regarder en arrière. Hallelujah. Amen. Lest they will be consumed. À moins qu'ils ne périssent. Bent. À moins qu'ils ne soient brûlés. Hallelujah. Amen. Because there was fire. Parce qu'il y avait le feu. Do you understand? Vous comprenez? Yeah. But when they were going, mais alors qu'ils partaient, the wife of Lot, la femme de Lot, was thinking about. Elle pensait. She's left all the shoes. Elle pensait à toutes ses chaussures. She left all the jewelry. Elle a laissé tous les bijoux. She left a lot of things, the dresses. Elle a laissé plusieurs choses, des robes. And she was thinking about it. Et elle pensait à cela. Oh, it's being bent. Oh, c'est en train d'être brûlé. So she was looking back. Donc elle a regardé en arrière. And when she looked back, et lorsqu'elle a regardé en arrière, she became what? Elle est devenue quoi? A pillar of salt. Une statue de sel. Hallelujah. Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? God, don't look back. Donc ne regardez pas en arrière. Or else you can backslide. Ou alors vous allez rétrograder. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Don't look back. Ne regardez pas en arrière. The next time, les don't bons look moments, back. God has ne regarde a pas. Better life for you. Dieu a une It's vie better. Meilleure pour vous. C'est meilleur. Now it may be difficult. Maintenant, ça peut être it compliqué. May be like sacrifice. Ça peut être comme un sacrifice. And when you talk about sacrifice, there's pain. Et quand on parle de sacrifice, on voit la douleur. There's blood. Il y a le sang. So when you are sacrificed, it's painful. Donc quand tu sacrifies, c'est douloureux. Hallelujah. But the end, mais la fin, there will be joy, il y aura de la joie and happiness. Et la joie. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. So don't look back. Donc ne regardez pas en arrière. Look forward. Regardez de l'avant. Bible says, looking unto Jesus. Regardez à Jésus. The author and the finisher of our faith. L'auteur et le finisseur de notre foi. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? The third sign. Le troisième signe. So when you see somebody who was talking about, oh, my life before. I became a Christian. My life before, what I used to do, it was nice, it was good. When you hear somebody talking about such things, it's a sign the person can backslide. Donc, quand vous voyez une personne parler de sa vie avant, comment c'était bien, comment c'était ok, c'est un signe pour vous que cette personne peut rétrograder. Yeah. Person can easily backslide. La personne peut facilement rétrograder. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So the next sign. Donc le prochain signe. So bad company, looking back. Donc les mauvaises compagnies et puis regardant en arrière. Overconfidence. Être over trop confident. Overconfidence. Être excès de confiance. Yeah. Excès de confiance. Are you sure? Excès de confiance. Quoi? Excès de confiance. Ah, ok. Overconfidence. Excès de confiance. Hallelujah. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, 12. 1 Corinthiens 10, 12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde, de peur qu'il tombe. Hallelujah. Take heed. Prenne garde. Bible says that if you think that you are standing, la Bible dit que si tu penses que tu es be debout, careful, you can easily fall. Fais attention, tu peux facilement tomber. It's a sign of confidence. C'est un signe de confiance. Hein? De confiance. Hallelujah. You are confident that, oh, me, I won't fall. Tu es confiant que oh moi je ne peux pas tomber. Oh me I won't do that. Oh moi je ne vais pas faire cela. When you see somebody a Christian doing something. Un chrétien fait quelque chose. The way you talk and the way you look at the person. La façon dont il parle et la façon dont il regarde à la personne. You think that oh me I won't do that. Tu te dis que oh moi je ne vais pas faire cela. Be careful. Fais attention. Bible says that when you think you are standing. La Bible dit que quand tu penses que tu es debout. You can easily fall. Tu peux facilement tomber. Hallelujah. Amen. It's by the grace. C'est par la grâce. If you are here, it's by the grace. Si tu es ici, c'est par la grâce. That's why you don't have to look down on people who are outside. C'est pour cela que tu ne dois pas minimiser ceux qui sont dehors. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. When you see a Christian who has committed some grave sin, quand tu vois un chrétien qui a commis un grand péché, be careful. Fais attention. Don't laugh at the person. Ne te moque pas de la personne. Don't think that you can't do the same. Ne pense pas que tu ne peux pas faire la même chose. That's what the Bible is saying. C'est ce que Lest la Bible dit. You fall, à moins que tu tombes, de peur you de can, tomber. You can easily fall. Tu peux facilement tomber. Hallelujah. Amen. Don't be overconfident. N'aie pas un excès de confiance. Yeah. A confident. Amen. A confident. Excès de confiance. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. Yeah. Like a shepherd. A shepherd. Comme un berger. Then you think that, oh, me, I'm a shepherd. I'm very strong. Donc tu penses que moi, je suis un berger. Je suis très fort. Yeah. So, you can't fornicate. Donc tu ne peux pas forniquer. So when the person comes, mais quand la personne the vient, girl comes, la fille vient, then you put the girl on your lap. Et tu mets la fille sur tes cuisses. Because you think that you are strong. Parce que tu penses que tu es fort. Be careful. Fais attention. You can easily fall. Tu peux facilement tomber. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Over confidence. Excès de confiance. Confidence. Over confidence. Excès de confiance. Amen. Amen. Sometimes don't put yourself in a situation where you are tempted to, because you think that, oh, me, I won't do that. Parfois, ne te mets pas dans une situation où tu seras tenté, parce que tu penses que, oh, moi, je ne peux pas faire cela. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. I remember some time ago there was a guy. Je me rappelle auparavant il y avait un jeune homme. I don't really remember the story. Je me rappelle pas très bien de l'histoire. But what I remember when there. Ce dont je me souviens, c'est que nous sommes y allés là-bas. Then there was an issue of, oh, there was a lady friend. Et il y avait un problème de l'ami d'une fille. Whether she didn't have an accommodation. Soit qu'elle n'avait pas une habitation. Then, oh, so come and sleep in my room. Donc il lui a dit, oh, viens dormir dans ma chambre. Charlie, don't think that you will not touch the girl. Ne pense pas que tu ne vas pas toucher la fille. Yeah. So, oh, no, but. The girl is sleeping on the bed. Me, I'm sleeping on the floor. Oh non, la fille dort sur le lit. Moi, je dors au sol. Hey, blood is flowing. Oh, le sang coule. Blood is hot. Le sang est chaud. Yeah. And you see, as you're a young person. Et tu vois, quand tu es jeune. 20, 21, sometimes 18, 20, 21, 20, 25, 26, 30. Le 18, 25, 30, le sang est très très chaud. Yeah. Your sexual drive is high. Tes pulsions sexuelles sont élevées. Yeah. Élevées. So the least mistake you do. Donc la moindre erreur. You can fall. Tu peux tomber. Yeah. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Hallelujah. Yeah. So don't put yourself in that situation. Donc ne te mets pas dans cette situation. Oh, the lady doesn't have a place, so come and sleep at my. Oh, that, no, no, que no, non, la no, fille no, n'a pas d'endroit, no, donc elle va venir dormir chez moi. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. So don't think that you are strong. Donc ne pense pas que tu you es are strong fort. Christian, so you won't sin. Que tu es un chrétien fort, donc tu ne vas pas pécher. Yeah. Don't think so. Ne pense pas cela. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Yeah. The fifth, I'm finishing soon. The fifth or the fourth sign. Le quatrième signe. The fourth sign. Le quatrième signe. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. And don't boast. Don't boast. Et ne don't ne boast. Ton orgueil pas. Ne don't te boast. Vante pas. Ne te vante pas. Yeah, don't boast. Ne te vante pas. Be careful. Fais attention. Hallelujah. Amen. Yeah. The next one. Stubbornness. La têtutesse. Are you sure it's a French word? Are you sure it's a French word? Are you sure? it's not a French word. Être têtu, le fait d'être têtu. Yeah. Stubbornness. Être têtu. Stubbornness. Être têtu. Hallelujah. Amen. It's a sign. C'est un signe. You don't listen to advice. Tu n'écoutes pas les conseils. What you have decided, that's what you want to do. Ce que tu as décidé, c'est ce que tu Even fais. When they told you that it's not the right thing. Même quand on te dit que c'est pas la bonne chose à faire. When they advise, you don't take advice. Quand on te conseille, tu rejettes. You don't listen conseils. To anybody. Tu n'écoutes personne. You don't obey the word of God. Tu n'obéis pas à la parole you want de to Dieu. Do what you want to do. Tu veux faire ce que tu as décidé de faire. Yeah, that's stubbornness. Oui, c'est ça, être têtu. Stubborn. Têtu. You don't listen to your parents. Tu n'écoutes pas tes parents. Your mother is afraid of you. Ta mère a peur de toi. Yeah, mother is afraid of you. Ta mère a peur de toi. Proverbe 14, verse 14. Proverbe 40, verset 14. 14. Proverbe 14, 14. Yeah. Proverbe 14, verse 14. Proverbe 14, 14. Do you like the message? Aimez-vous le message? Yeah. The backslider say, the backslider in the heart shall be filled with his own ways. Yeah. Celui dont le cœur s'égare sera rassasié de ses voies. Hallelujah. Amen. Yeah. Backslider. Celui qui s'égare. The backslider. Celui qui s'égare. Hallelujah. Amen. The Bible says that in Ecclesiastes. La Bible dit dans Ecclésiaste. Okay. 4 verse 13. Ecclésiaste 4 verset 13. Okay, let's read it 4 verse 13. Ecclésiaste 4 verset 13. Better is a poor and wise child than an old and foolish king who will no more be admonished. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Somebody that when you advise, oh, don't do this, the person will not listen to you. Une personne que quand tu conseilles, oh, ne fais pas cela, la personne ne t'écoute pas. Yeah. Can easily backslide. Cette personne peut facilement rétrograder. Yeah. Your own way. The Bible says, I see yourself a backslider in hearts. La Bible dit, celui qui s'égare, dans le cœur s'égare. Yeah. You are backsliding in your heart. Tu rétrogrades dans ton cœur. Tu es rétrograde. You always will do your own thing. Tu vas toujours faire tes propres choses. Yeah. You not obey the word of God. Tu n'obéis pas la parole de Dieu. Because you don't do what you want to do. Parce que tu veux faire ce que tu veux faire. Yeah. You don't obey the pastor. Tu n'obéis pas au pasteur. You want to do what you want to do. Tu veux faire ce que tu veux faire. You can backslide. Tu peux rétrograder. It's a sign. C'est un signe. Hallelujah. Amen. It's a sign. C'est un signe. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? It's a sign. C'est un signe. Hallelujah. Amen. Okay, the fifth sign. Le cinquième signe. Christian surprises. Les surprises chrétiennes. It's a sign. C'est un signe. If you see somebody who is surprised by other Christians. Si tu vois une personne qui est surpris, étonnée de d'autres chrétiens. Hallelujah. Amen. What do I mean by Christian surprises? Qu'est-ce que j'entends par les surprises chrétiennes? We are all here. Nous sommes tous ici. Then you see that another Christian is doing something. Et tu vois qu'un autre chrétien est en train de faire quelque chose. That you are not expecting the Christian to do. Que tu ne t'attends pas à ce que ce chrétien fasse cela. Hallelujah. That you know that maybe it's a sin. Et tu sais que c'est un péché. The person has committed a sin. La personne a fait un péché. And you are surprised. Et tu es surpris. You can easily backslide. Tu peux facilement rétrograder. Because you are not expecting. Parce que tu ne t'attends pas. A Christian to do that. Tu ne t'attends pas à ce qu'un chrétien fasse cela. C'est a Christian young lady. Une jeune fille chrétienne. Pregnant, then is coming to church. Pregnant. Enceinte et elle vient à l'église. Not married. Elle n'est pas mariée. Tu dis, what is this? C'est quoi ça? I've not seen this before. Je n'ai jamais vu ça auparavant. I thought here we don't fornicate. Je pensais qu'ici on ne forniquait pas. Then you are surprised. Et tu es surpris. Say no. Tu dis, I can't stay here. No, je ne peux pas rester ici. I can't stay here. Je ne peux pas rester ici. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez You're ce que je dis? Tu es surpris. I'm going. Tu dis, je ne reste pas, je m'en vais. Et tu t'en vas. Yeah. That's Christian surprises. Ce sont les surprises chrétiennes. Hallelujah. Amen. Somebody has stolen. So a Christian who has stolen. Un chrétien qui a volé. Hey, a member of Abelegbe. It's an armed robber. Armed robber. Une personne d'Abelegbe est un braqueur. Yeah, armed robber. You heard armed robber. un braqueur. And they arrested him. On l'a arrêté. You are surprised. Tu es surpris. That's what Christian surprises. C'est ça les surprises. A Christian who has done something that has surprised you. Un chrétien qui a fait quelque chose qui t'a étonné. You can easily backslide. Tu peux facilement retrograder. Because you are not expecting a Christian to do that. Parce que tu ne t'attends pas à ce qu'un chrétien fasse cela. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. One day, bishop said he went to a prison. Un jour, l'évêque a dit qu'il allait dans une prison. And was preaching. Et il prêchait. Then he heard at the back. Et il a entendu inside. Au fond. Depuis le fond. One of the prisoners saying what? Un des prisonniers dit. Merci. Miséricorde. Merci. Miséricorde. Because there's no church in Accra that you hear somebody say mercy. Parce qu'il n'y a pas d'église dans Accra où tu entends quelqu'un dire miséricorde. It's only Lighthouse that we say mercy. C'est juste Lighthouse qui va dire miséricorde. In the prison. Dans la prison. He said mercy. La personne a dit miséricorde. Bishop said, hey, Lighthouse member. L'évêque a dit, hey, les membres de Lighthouse. In the prison. Oh. Dans la prison. Forgive. Oh, pardonnez. And as a Christian, you can be surprised. Ah, how come a Lighthouse person is in the prison? Et en tant que chrétien, tu peux être étonné que comment une personne de Lighthouse va être en prison. And if you are surprised, et si tu es étonné, and you are amazed, et tu es, étonné, and you are not expecting to see that, et tu ne t'attends pas à voir cela, you can easily go away. Tu peux facilement t'en aller. Think that Lighthouse, oh, these et people, they are all prisoners, they are oh, all thieves and bad people. Et dit, oh, Lighthouse, ces gens sont tous des voleurs et des mauvaises personnes. And you leave. Et tu pars. Hallelujah. Don't be surprised. Ne sois pas étonné. Tell your neighbor, don't be surprised. Dis à ton voisin, ne sois pas étonné. Because we are human beings. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Hallelujah. Amen. Don't you all sin? Ne péchons don't nous. We sin? Ne péchons-nous pas? Don't you sin? Ne pêches-tu don't pas? You tell lies? Ne mens-tu but pas? You are here. Mais tu es ici. Hallelujah. You see, Lighthouse, maybe some churches they do that. When you become pregnant, they'll sack you from the church. Dans certaines places, peut-être ils vont faire ça que quand tu es enceinte, ils vont te chasser. When you steal, they'll sack you from the church. Quand tu pêches, on te chasse de l'église. When you do some things, they will excommunicate you. Quand tu fais quelque chose, on va te excommunicate. Excommunier. Ah, excommunicate, c'est vrai. Oh. Yeah, they will sack you from the church. On va te chasser de l'église. Hallelujah. Amen. But here we don't do that. Mais ici on ne fait pas cela. Everybody come. Tout le monde venez. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. And God is trying to perfect us. Et Dieu essaie de nous perfectionner par sa parole. That's what the Bible says that by the washing of the water by the word. Voilà pourquoi la Bible dit que by the washing of the water with the word. Par la purification de la purification par la parole. Par l'eau de la parole. Hallelujah. What does it mean? It means that, de la parole. It means that the word of God washes us every day. Ça, as you come and hear, something is washed away. Something is washed away. Yeah. Cela dit que la parole de Dieu nous purifie chaque jour. Alors que tu l'écoutes, quelque chose est en train de quitter. Quelque chose quitte. That's why I want everybody to be coming. When we are coming, Sunday come. Voilà pourquoi je veux que tout le monde vienne quand nous venons. Le dimanche, Tuesday, le jeudi, go to Kodesh. Le mardi. Wednesday, go. Le mercredi, as you hear the word, something is being washed. Alors que tu écoutes la parole, quelque chose est en train d'être purifié. That's why when people don't come to church, I'm worried. Voilà pourquoi quand les gens ne viennent pas à l'église, je suis inquiet. Yeah. We are washed. Today, somebody's you are washed here. Aujourd'hui, quelqu'un a été lavé. You hear the word of God and you are washed. Tu as écouté la parole de Dieu et tu as été purifié. Small. Petit à petit. Yeah. Somebody, when we came to church. Certains d'entre vous, quand vous êtes venus à l'église, you were committing some sin. Tu faisais certains péchés. Then with time, et avec le temps, as you hear the word, alors que tu écoutes la parole, you did it. At first, you were doing every day. Avant, tu faisais tous les jours. Then, when you hear the word, maintenant quand tu écoutes la you parole, did it three times a week. Tu fais ça trois fois par semaine. Once a week. Une fois par semaine. And now zero. Et maintenant zéro. Oh, is it not true? C'est pas vrai? Yeah. Amen. It's the washing of the word by. C'est la purification Hallelujah. De la personne par la Are you with me? So don't be surprised. Donc ne sois pas étonné. Amen. Amen. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. The other surprise is like a pastor. Une autre surprise c'est en tant que pasteur. You hear that? Oh, a pastor of a church. Tu vas entendre qu'un pasteur d'une église has gone to steal. Est allé voler. Or has gone to impregnate a church member. Ou aller enceinter un membre de l'église. C'est, hey, what is going on? Qu'est-ce qui se passe? Pastor, un pasteur, bishop, un prophète, apostle, un prophète, has gone to pregnant somebody. Et aller enceinte quelqu'un. Me, I won't go to church again. Oh, je n'irai plus à l'église. Yeah, you understand? Vous comprenez? A lot of people have stopped church. Stop like abelling because of something like that. Il y a beaucoup de personnes ont quitté l'église à cause de plusieurs choses, des choses semblables. Yeah, is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Even this week, I've heard that somebody has said, "Oh, because of some surprise, he won't come back again." Et même cette semaine, nous avons entendu que à cause de parce que quelqu'un a entendu une surprise, la personne dit qu'elle ne vient plus à l'église. Now. Maintenant. So I'm waiting whether Sunday I will see him or I won't see him. He said, I'm waiting for Sunday. Okay, donc j'attends dimanche. See whether he will come or not because he's surprised. He said, je vais voir si he il va venir ou pas parce que again. Il est surpris, il dit qu'il ne viendra plus à BLMP. Oh là là. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, don't be surprised. Dis à ton voisin, ne sois pas surpris. Ah. Christian, ça va, it will come. Oh. Les surprises chrétiennes vont arriver. It will come. Ça va arriver. It will come. Ça va arriver. You see a Belenpe member. Tu vas voir les membres d'Abelenpe. In the disco. Dans une boîte de nuit. Say, hey! Et tu vas dire, hey! Abelenpe members. Les membres d'Abelenpe. What are you doing here? Qu'est-ce que vous faites ici? Me, I won't come to church. Moi, je ne viens plus à l'église. Hallelujah. Amen. Christian surprises. Les surprises chrétiennes. Yeah, Christian surprises. Les surprises chrétiennes. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. It happened to Jesus. C'est arrivé à Jésus. When they arrested Jesus. Quand on a arrêté Jésus. 1 week before. Une semaine auparavant. Jesus was sitting on the donkey. Jésus était assis sur un âne. Entering Jerusalem. Entrant Jérusalem. After 1 week. Après une semaine. After he had declared. Alors qu'il a été tué. After he declared. Après qu'il a déclaré that I and my father were one, que moi et mon père nous sommes un. After healing a lot of people, après avoir tué plusieurs personnes. After casting out demons, après avoir chassé les démons. After resurrecting a dead person, après avoir ressuscité un mort. And he said, I have all the power. Et il a dit, j'ai tous les pouvoirs. 1 week, they arrested him. Une semaine, on l'a arrêté. And they crucified him. Et on l'a crucifié. He couldn't escape. Il ne pouvait pas s'échapper. The disciples were surprised. Les disciples étaient étonnés. Yeah, they were surprised. How come? Ils étaient étonnés. Comment? All the declarations, all the way that you spoken. Toutes les déclarations, tous les mots que tu as dit. Comment est-ce qu'on a fait pour t'arrêter? Yeah. Christian surprises. Les surprises chrétiennes. Hallelujah. Are you with me? Yeah. Yeah. Another Christian surprise. Une autre surprise chrétienne. The Bible says that when you pray, la Bible dit que quand tu pries, he will hear you. Il va t'écouter. And answer you. Il va t'exaucer. And here you are. Et te voici. You have fasted. Tu jeûnes. You have prayed. Tu as prié. About the situation. Au sujet they de have situation. Poured anointing oil on you. On a mis l'huile d'onction sur toi. Nothing has happened. Rien ne s'est produit. Say, ah, God. Tu dis, oh Dieu. You are surprised at God. Tu es surpris, tu es étonné de Dieu. This one is God surprised or not Christian. Ça c'est une surprise de Dieu. You are surprised. God, tu es surpris. After Dieu, all these prayers, après toutes ces prières, I paid my tithes, j'ai payé ma dîme, I've given offering, j'ai donné une offrande. When they say 10 Ghana cedi, quand ils disent Ghana, je me lève, I put it inside. Je mets ça dans le panier. First and best, la dîme. God has not heard my prayer. Dieu n'a pas écouté ma prière. And you are so surprised. Et tu es très surpris, si you are surpris. Disappointed. Tu es tellement déçu. That God is not, cannot hear you. Que Dieu ne peut pas t'écouter. And you left. No, now I'm come back to church. Et tu pars. Does it happen? Non, je ne viens plus à l'église. Does it happen? Ça se produit. Yeah. It's a Christian surprise. C'est une surprise chrétienne. You can sometimes you can be in the church. There's a situation you pray about it. Parfois, tu peux être à l'église, une situation, tu pries do dessus. Something, tu do fais a lot quelque chose. Of things, tu sacrifice, fais plusieurs choses. Church, et sacrifices venir à l'église. Choir, tu es dans la chorale. You are doing a lot of things for God. Tu fais plusieurs choses pour Dieu. But God had decided, he said, no, I won't do that for you. Mais Dieu a décidé, non, je ne fais pas cela pour or toi. It's not time. Ou bien c'est pas le temps. And so you are disappointed. Donc tu es déçu. Surprised at God. Tu es surpris. Hallelujah. Amen. And then you decide that no, I won't come back. A lot of people. It has happened. Je ne reviens plus. Ça, yeah, I know a lot of people. Ça s'est produit plusieurs fois et je connais plusieurs personnes. Yeah. When you tell them, wait, be patient, wait. Quand tu leur dis, attends, something sois patient. Quelque chose va se passer, c'est temporaire. They say, no. Ils disent, non. They go away. Et ils s'en vont. Hallelujah. Mm-hmm. It happens all the time. Ça se produit tout le temps. Yeah, happens all the time. Ça se produit tout le temps. Hallelujah. Mm-hmm. Amen. Are you with me? Christian surprises. Les surprises chrétiennes. Christian surprises. Les surprises chrétiennes. Hallelujah. Amen. You know, when we are in the church. Vous savez, quand nous sommes à l'église. We are human beings. Nous sommes des êtres humains. Hallelujah. Amen. We are human beings. Nous sommes des êtres humains. And as I said, God is trying to perfect us. Dieu essaie de little nous perfectionner. Petit à petit. Hallelujah. And so when something happens, donc quand quelque chose se produit, don't be shaken. Ne tremble pas. Yeah. When you hear something, don't be shaken. Quand tu entends quelque chose, ne tremble pas. Yeah. I remember some time ago they said, how do you call it? A shepherd came to see me. Je me souviens il y a cela quelques années, un berger est venu me voir. Say, ah, me, I don't understand, pastor. Moi, je ne comprends pas, pasteur. We've talked to him, talked to her. On lui a parlé. And the last time I went, he was fornicating with somebody. La dernière fois que je suis allé, elle forniquait avec quelqu'un. Yeah. And so I'm surprised. I don't understand what's donc, happening, what's going on. Je suis surpris, je ne comprends pas ce qui se passe. I said, relax. J'ai dit, relax. Relax. Relax. Hallelujah. Yeah. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? It's not a surprise. Ce n'est pas une surprise. Hallelujah. Amen. The Bible says that there is nothing new under the sun. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. It has happened before. Ça s'est déjà produit auparavant. Yeah, and it will happen. Et ça va encore se passer. Tu le verras. Tu vas l'écouter. Yeah. Hallelujah. Amen. So don't be surprised. Donc ne sois pas surpris. Amen. Amen. We are not justifying the sins of people. Nous ne sommes pas en train de justifier le péché d'autres personnes. I want to tell you that we are all human beings. Mais on veut te dire que nous sommes tous des êtres humains. And we are sinners. Et nous sommes pécheurs. So you see, you hear. Donc tu vas voir, tu vas entendre certain things that will surprise you. Certaines choses qui vont that you haven't seen before. Que tu n'as jamais vu auparavant. Don't be shaken. Ne tremble pas. Tell yourself that oh, there's nothing new under the sun. Dis-toi que oh, il y a rien de nouveau sous le soleil. And come back to God. God, please have mercy on me. Et reviens à Dieu, dis and pray that you don't fall into it. Et prie aussi que toi tu ne tomberas pas dans ce péché. Are you with me? Yeah, there's nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There's nothing new. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Amen. Are you in? Êtes-vous avec moi? Yeah. I want to end. Je vais terminer. Okay. I want to end. Je vais terminer. Do you like the message? Aimez-vous le message? I'm sure. Vous êtes sûr? Okay. The last one for today. Le dernier pour aujourd'hui. Somebody is easily offended. Une personne qui est facilement offensée. Have I already shared that? Ai-je déjà partagé cela? Have I? Ai-je? The last time. La fois passée. Are you sure? I talk about it. Easily offended. Facilement offensé. Don't be offended, though. Ne sois pas offensé. When you're offended, don't let the sun go down on your anger. Quand tu es offensé, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Hein? Ephésiens chapitre 4 verset 26. Ephésiens chapitre 4 verset 26. Don't let the sun go down on your anger. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Because you'll be offended. Parce que tu seras offensé. Me, I offend you. Moi, je vais être offensé. Forgive me. Pardonne-moi. When I offend you, forgive me. Quand je vais être offensé, pardonne-moi. Because when you're offended, you can go away. Parce que quand tu es offensé, tu peux t'en aller. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est pas vrai? You'll be angry with me. Tu vas être en colère you'll be contre angry moi. With Stéphane. Tu vas être en colère contre Stéphane. You'll be angry with Orlan. Tu vas être en colère contre Ornal. You'll be angry with the birthday girl. Tu vas être en colère contre l'anniversaireuse. The birthday girl. Birthday girl. Hallelujah. Amen. You can easily be offended. Tu peux facilement être offensé. You know, last week Sunday. Vous savez, la semaine passée, dimanche. I went to see somebody. Je suis allé voir quelqu'un. And the person was angry with me. Et la personne était en colère contre moi. But I was happy that the person forgave me. Mais j'étais content que la personne m'a pardonné. Do you understand? Est-ce que vous That's comprenez? How it's supposed to be. C'est comme ça que ça doit God être. Is also, God, sometimes God gets angry. Parfois aussi Dieu s'énerve. So it's natural that we get angry. Donc c'est naturel que nous énervions. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, when there's something bad is going on, you can be angry. Donc quand quelque chose de mauvais qui se passe, tu peux être énervé. But you shouldn't let it last long. Mais tu ne dois pas laisser cela durer. You should forgive. You should forgive easily. Tu dois pardonner facilement. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Sometimes when I'm angry, people think that I won't forgive you. Parfois quand je suis énervé, les personnes pensent que je suis fâché et je ne vais pas leur pardonner. The moment I say it, le moment où je le dis, it's finished. C'est fini. When you come back, quand tu reviens, you're just saying stories. Tu me racontes juste des histoires. I forgive you a long time. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? If I don't ask you, then I'm not angry. Si je ne vous pose pas la question, c'est que je ne suis pas fâché. If I ask you, it means that it's finished. The anger is gone. Si je vous pose la question, c'est que la colère est passée. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? So pray. Donc prie. Because I used not to have that heart. Parce que je n'avais pas ce cœur avant. To forgive. De pardonner. To forgive easily. Pardonner facilement. Yeah, but God helped me. Mais Dieu m'a aidé. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? God can help you too. Dieu peut t'aider aussi. Amen. Amen. When you are angry, easily forgive. Quand tu es en colère, sois facilement pardonné. Easily forgive. Facilement pardonné. Hallelujah. Amen. When I was coming this evening. Quand je venais ce soir. We were going there's traffic. You are driving. On allait, il y avait l'embouteillage. Then we are all going the road, a lot of cars. Et nous allions et. A lot of cars. Il y avait plusieurs voitures. Then there was a big car. Il y avait une grande voiture. Was behind me. Qui était derrière moi. He came to knock my car. Est venu cogner ma voiture. Then I was angry. I said, et j'étais en colère. This. Et j'ai dit, ça c'est quoi? I said, okay, give him money to go and I'll go and do it. Et il a dit qu'il allait me donner l'argent pour que j'aille réparer cela. We are not going to the police. Will you give me money? J'ai dit, on ne va pas à la police. I'll toi, donne-moi l'argent myself. Et je vais l'arranger ça moi-même. So the man, he said, he doesn't have money. Et le monsieur a dit qu'il n'avait pas d'argent. Angry, I said, no, you give j'étais en colère, j'ai dit, money, non, tu me donnes l'argent, j'irai faire ça. Then I see her, I say, okay, you go. Et j'ai dit, okay, c'est bon, toi, just va. Let go. It's nothing. Laisser tomber, c'est rien. Oh, it's nothing. C'est rien, ou bien? It's nothing. C'est rien. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Wow, are you blessed? Êtes-vous béni? I'm blessed. Moi, je suis béni. I'm blessed. Je suis béni. Hallelujah. Amen. So the first thing, bad company. Donc la première chose, les mauvaises compagnies. Bad company. Les mauvaises compagnies. Looking backward. Regardez en arrière. Overconfident. Excès de confiance. And what again? Stubbornness. Être têtu. Yeah, stubbornness. Être têtu. Don't be stubborn. Ne sois pas têtu. When you are stubborn, you break. Quand tu es têtu, tu te casses. Yeah, you break. Tu te casses. And you are stiff. Et tu es raide. You don't change. You don't bend. Tu ne changes pas. Tu ne te you understand? Pas. Yeah, you don't change your mind. Tu ne changes pas ta you pensée. Decided that me, I'm going to do this. I'm going. Tu as décidé que moi je vais faire ça et je le fais. Yeah, there was a young girl. Il y avait une jeune fille. Who was following some man? Qui suivait un monsieur? Hallelujah. Mm-hmm. He advised you, no, don't follow this man. He's not good. A Christian girl. Une chrétienne. On lui a conseillé que non, ne suis it's pas cet homme. Il n'est pas. He said, don't follow me. He's not a Christian. On lui a dit non, ne suis pas cet homme, il n'est pas chrétien. This, he said no, he's a good person, he loves me. Elle a dit non, c'est une bonne personne, il m'aime. Hallelujah. He was following somebody who has already slept with 17 girls. Elle suivait quelqu'un qui avait déjà couché avec 70 filles. 17 girls. 17. Hallelujah. Don't change my message, okay? Don't change my message. Hallelujah. 17. Say, don't go. Say, no, he loves me. On lui a dit, non, ne va pas. Elle a dit, non, je l'aime, et il m'aime aussi. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Yeah. The difference between the girl. La différence entre la fille. And the 17 girls. Et les 17 autres filles. Do you know the difference? Vous savez la différence? Do you know the difference? Vous savez la différence? Do you know the difference? Savez-vous la différence? Because she's new. Parce qu'elle est nouvelle. She's new. Elle est nouvelle. One day she will become old. Un jour elle deviendra vieille. Then she will become the 18th. Elle deviendra la 18e. Yeah. So when they are advising you, listen. Donc on te conseille, écoute. Yeah. Listen. Écoute. Listen. Écoute. Yeah, listen. Écoute. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, don't be stiff. Ne sois pas stiff necked. Do you know stiff necked? Stiff neck. Stiff neck. Stiff neck. Your neck is stiff. Avoir un cou raide. Avoir un cou raidi. You can't turn. Avoir un cou raidi. If you have to turn, you are turning your whole body. Si tu dois te tourner, tu tournes tout ton corps. Because your neck is, when you turn, it's paining you. Parce que ton cou te fait mal. That's called stiff neck. Le torticolis. Yeah. So you're stiff. Donc tu es figé. When you turn, it will break. It will pain. Si tu tournes, la tête va se casser. Yeah. So don't be stiff neck. Donc n'aie pas le torticolis. Hallelujah. Are you with me? Be malleable. Sois be changeable. Sois changeable. Huh? We should be able to advise you. On doit être capable because de I know a lot of people are very stubborn. Parce que je connais plusieurs personnes qui sont très têtues. Yeah, Abelimpe here. Ici à Abelimpe. I know people who are stubborn. Je connais des gens qui sont têtues. When you tell them you are cool, but they won't do it. Quand tu leur dis ils font oh mais ils ne vont pas le faire. Nice face, nice face. Joli visage. Nice face. Joli visage. But they won't do. Mais ils ne le feront pas. Huh? One day you break. Un jour tu vas te briser. Yeah, you break. Tu vas te briser. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Because when you are malleable, when God can change you, you are flexible. Quand tu es flexible et que Dieu peut God te changer. God molds you. Dieu va te mold. Façonner. Yeah, mold. Façonner. Il va te mold. Il va te modeler. Non. Façonner. Mold. I didn't say mold. Mold. Mold. M O U L D. Il va te façonner. Mold you. Il va te façonner. And change you to become a better person. Et te changer afin que tu puisses être une meilleure, une personne yeah. meilleure. Mold you, change you. Te changer. Yeah. He will tell you do like this. Il va te dire fais ceci. Then you can do it. Et tu peux le faire. He tell you go here, you are here. Il va te dire viens. Il te dit turn like this. Il te dit tourne. Go like this. Il te dit fais ceci. Then you enter your promise. Et tu vas rentrer dans yeah. tes promesses. Tu vas atteindre tes promesses. No, I won't turn. Mais quand te dit tourne, tu dis tu tournes pas. Moi je vais ce côté. Yeah, you will not enter into your promise. Tu ne vas pas acquérir tes promesses. Hallelujah. So don't be stubborn. Donc ne sois pas têtu. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Are you the stubborn? Es-tu la personne têtue? Okay, hallelujah. Please stand on your feet. S'il vous plaît, levez-vous. Clap for God, or is clap properly Applaudissez for pour God. Dieu, pas clap pour properly. Moi. It's his word. C'est lui. It's his word. It's his c'est word. Dieu. C'est Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, please close your eyes and thank God. S'il vous plaît, fermez vos yeux et remerciez Dieu. Pray for grace. Priez pour la grâce. Grace. La grâce. To have good company. D'avoir de bonne compagnie. Good company. De bonne compagnie. That you not look back. Et que tu ne vas pas regarder that, en arrière. Like the wife of Lot. Comme la femme de Lot. That you not be overconfident. Que tu n'auras pas un excès de confiance. For confidence. Un excès de confiance. You say that way, I'm able to do this by the grace of God. Que Dieu, je vais le faire par la grâce anytime de Dieu. You do something, say by the grace of God. À chaque fois que tu fais quelque chose, dis by par la grâce grace de Dieu. God. Par la grâce de Dieu. It is not me, it's by the grace ce of God. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. I'm beautiful by the grace of God. Je suis belle par la grâce de Dieu. I'm intelligent by the grace of God. Je suis intelligent. I passed my exam by the grace of God. J'ai réussi mes examens par la grâce I did not commit fornication by the grace of je God. Pas forniqué par la grâce it's de by Dieu. The grace of c'est God. Par la grâce de Dieu. I'm not overconfident. Je n'ai pas it's not de me. Ce n'est pas moi. It's God. C'est Dieu. It's God. C'est Dieu. Pray, pray. Prie, prie. Pray. And ask God if you are stubborn, pray that God will give you a heart of flesh. If you are stubborn, ask God. God, I need a heart of flesh. Si tu es têtu, demande à Dieu de te donner un cœur de chair. Not a heart of stone. Et non un cœur de pierre. But a heart of flesh. Mais un cœur de chair. That is soft. Qui est that can change. Peut changer. That I can change my mind. When God tells me, I can change my mind. When God advises me, I can change my mind. When I hear the word of God, I can change my decision. I can change it. Because I'm not stubborn. I'm not stubborn. I can change it. I can stop it. I can stop it. When they ask me to stop, when they advise me, I can listen to advice. Je peux écouter les conseils. I can listen to advice and obey the advice. Je peux écouter et obéir I can aux do conseils. As they ask me. Je peux faire comme on me I'm demande. Flexible. Je suis flexible. I'm not hard. I'm not stiff neck. Je ne suis pas dur. Je ne suis pas rigide. Lord, thank you. Father, we bless you. Father, we give you all the glory. In the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Please close your eyes. S'il vous plaît, fermez les yeux. If you're here, si tu es ici, you want to give your life to Christ. Tu veux donner ta vie à Jésus. You know that in your heart you have not taken a decision. Tu sais que dans ton cœur, tu n'as pas encore pris la décision. To give your life to Christ. De donner ta vie à Dieu. The Bible says that unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. La Bible dit que à moins que tu ne sois né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. But tonight, mais aujourd'hui, you said you want to tell God that God. Tu veux dire à Dieu. I want to serve you. Je veux te servir. I want to give my life to you. Je veux te donner ma vie. I want to have a new life. Je veux avoir une nouvelle vie. If you are here, lift tu up es ici, your hands. Lève ta main et prions. Lift up your hands. Lève ta main. Lift up your hands. Lève ta main. And let's pray. Et prions. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for your goodness and your mercy. Father, we pray that Father, you help us not to be stubborn. You help us not to be overconfident. Lord, help us to know the signs of backsliding and to avoid them. Father, pray for everyone here that no, none of these people shall backslide because of your grace and because of your mercy. Because of your word, the Holy Spirit will remind them always of your word and they will not backslide in the name of Jesus. Father, bless you. And everyone say amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. We want to take our second offering. Nous voulons prendre notre deuxième offrande. Hallelujah. Amen. If you have your tithe,